Bonjour à toutes et à tous. Vendry Jumeau, donc à la fois fondateur du réseau Le Lierre, qui réunit une belle diversité d'acteurs publics, 2500 acteurs publics au sens large, des fonctionnaires, des contractuels, mais aussi des consultants, des collaborateurs d'élus, des chercheurs, tous ceux qui contribuent à l'action publique. Donc l'action publique, elle est large. Elle se conçoit depuis le débat d'idées et elle se met en œuvre jusqu'à l'évaluation des politiques publiques. Et donc au milieu, il y a plein de gens. Et donc tous ceux qui font cette action publique, qui sont donc des praticiens d'action publique et qui ont des convictions, des valeurs, un attachement, un intérêt pour la transition écologique et solidaire, eh ben on les propose. En tout cas, ils sont les bienvenus dans ce réseau-là, qui est donc au croisement de l'action publique et des enjeux écologiques et environnementaux. Ce réseau, on l'a créé avec des fonctionnaires de l'État, du monde hospitalier, des collectivités en 2019, fin 2019. Moi, je sortais à ce moment-là de l'INET, l'Institut national des études territoriales, puisque je suis fonctionnaire territorial depuis 2012, comme attaché puis comme administrateur. Et j'ai fait le constat en 2019, dans un moment où il y avait quand même une dynamique, une prise en compte, une mise à l'agenda assez importante de ces questions-là, qu'en fait, j'évoluais dans un milieu où j'avais travaillé en collectivité pendant 7 ans avant en Île-de-France, et je voyais plein de gens, parce que j'avais travaillé plutôt dans l'Est de l'Île-de-France, plein de gens qui avaient envie d'agir sur ce sujet-là, mais qui ne savaient pas forcément comment et pour qui l'engagement était une question. Alors, en aucun cas, ils iraient s'engager dans un syndicat, dans une asso, dans un parti politique pour la transition écologique. Et en sortant de l'INET, je me suis rendu compte que, idem, dans cet espace, dans cette école de formation des fonctionnaires, des dirigeants territoriaux, il y avait une homogénéité de pensée sur ce sujet-là. Oui, il fallait appréhender, intégrer ces enjeux-là. Ça avait été absent de notre formation. Donc moi, j'ai profité de la dernière journée avec l'accord de l'INET pour organiser, faire venir des gens de la ville de Paris, du ministère, des élus locaux, pour qu'ils nous forment à ces enjeux-là. Et j'ai fait le constat qu'il manquait un espace. Et donc, voilà ce qu'on a créé il y a quelques années. Je vais lancer le chronomètre, ça sera pratique. Avant, je partage globalement les quatre points d'étonnement pointés par Elisa Soyer-Chaudin. Et au lieu de réagir directement dessus, je vais vous dire un peu plus d'où je parle et essayer de répondre à la question initiale. Et comme ça, je pourrai plus facilement et vous comprendrez pourquoi ou quels sont mes étonnements à ces quatre étonnements. Premièrement, je pense qu'on est dans un moment et dans un espace, dans un moment historique et dans un espace social, culturel autour de la table qui fait que j'ai pas besoin d'utiliser plus de 2 minutes 30 pour dire à quel point le sujet environnemental, c'est un sujet majeur et incontournable. Il est scientifiquement fondé et je pense pas qu'il y ait ici des gens qui remettent en cause les rapports du GIEC ou de l'IPBES sur l'effondrement de la biodiversité ou sur le fondement anthropocentrique, anthropocentré de la crise climatique. Et je pense pas que j'ai besoin d'être très long pour dire à quel point la crise écologique sous ses différentes facettes, qu'on prenne les 9 limites planétaires, les rapports que j'ai cités, qu'on s'intéresse à travers notamment des bandes dessinées à l'épuisement des ressources, mais en tout cas, la crise environnementale, elle est systémique, elle est complexe, elle est multiple, mais aujourd'hui, de plus en plus de gens ont vu que ces impacts sont extrêmement importants. Depuis les choses les plus connues, le climat, et ces impacts majeurs en matière de migration, puisque ce sont des millions de gens qui vont voir leur habitat, leur lieu de vie, leur vie menacée, leur survie menacée dans des vagues de chaleur, dans des pays où, article du Monde il y a 2 jours, où en fait le niveau d'infrastructure, de développement, d'accès à l'énergie, d'accès à des climatisateurs, à un habitat correct fera qu'ils vont mourir de chaud. Des endroits où le niveau de la mer va dépasser les populations, ou des endroits où la façon dont on consomme, produit des richesses, faisant tourner des industries polluantes, détruit les habitats, dégrade la qualité de l'eau, détruit la qualité de l'alimentation, etc. Je pense aussi que des choses les plus connues au moins connues, je pense aussi à des choses en matière de santé et de reproduction, c'est-à-dire que c'est même la fertilité des hommes et des femmes, notre capacité à donner la vie et à faire que l'humanité se poursuive, qui est aujourd'hui menacée par les perturbateurs endocriniens, par nos modes d'alimentation, par des maladies chroniques. Et ça, je pense que vous l'avez déjà entendu parler, et je n'ai pas besoin d'étendre, d'aller plus loin que ça sur l'ensemble des risques majeurs, l'ensemble des questions que la crise écologique soulève sur nos modèles sociaux, sur la justice, sur l'emploi, la soutenabilité de nos économies, la souveraineté de nos pays. La crise actuellement dans le détroit d'Ormuz l'illustre. Le fait que les énergies renouvelables dépendent aussi de minéraux qui viennent d'ailleurs monte la complexité du truc. Le nucléaire, qui est présenté comme une source de souveraineté, dépend aussi de minerais qui viennent d'ailleurs. Donc la question énergétique illustre bien la complexité de ces sujets-là. Mais je pense que vous avez bien tous compris autour de la table que la crise environnementale est un sujet majeur et que nous devons, en tant qu'agents publics, l'intégrer, en prendre en compte comme une donnée majeure de l'équation, en dépit du backlash. Le backlash dont on parle depuis 2-3 ans, il est réel, parce que dans le débat politique et médiatique, on ne peut plus dire le nuancer et dire qu'il n'y a pas des reflux ou des reculs en arrière. On ne peut pas dire que le Green Deal de la Commission européenne, porté par Ursula von der Leyen en 2019-2020, n'est pas détricoté. Non, c'est faux. On ne peut pas dire que l'ambition écologique portée par l'État français au moment du Grenelle de l'environnement, ou plus récemment en 2022 par le président de la République, quand il lance la planification écologique, avec un certain nombre d'avancées majeures, on ne peut pas dire que tout ça n'est pas détricoté, parce que la planification écologique et des lois juste avant, notamment la loi ou la climat-résilience, voilà, de laquelle découle le zéro artificialisation nette ou les zones à faible émission, qui ont créé plein d'effets politiques. Et pour ceux qui ont suivi les municipales, vous avez pu voir à quel point ces mesures-là ont suscité du rejet, du débat. Elles sont clivantes. Mais le backlash est réel, mais il reste à nuancer, parce qu'en fait, globalement, la société a compris ces enjeux-là. Et là-dessus, je vous renverrai sur les travaux très intéressants de Parlons Climat, qui est un organisme qui publie des études très intéressantes sur le rapport qu'ont les Français aux questions environnementales, écologiques, et analyse très finement comment ça se mêle au vote, aux représentations, à la consommation des médias, et aux visions du monde, et qu'en fait, en dépit du backlash qui fait qu'il y a des décideurs politiques, économiques et des médias qui tapent sur la transition écologique et solidaire, c'est un fait incontestable. Néanmoins, ça ne veut pas dire que nous avons autant reculé, et ça ne veut pas dire que nous sommes moins avancés qu'il y a 10-15 ans. Pour ceux qui sont engagés sur ces sujets-là, il y en a dans la salle depuis 10, 15, 20, 30 ans, vous savez très bien comment quand même la décennie, comment le Grenelle de l'environnement ou l'accord de Paris pour le climat en 2015, pour donner deux exemples, ont constitué quand même des avancées majeures et qu'aujourd'hui personne ne remet en cause des avancées du Grenelle, des avancées de l'accord de Paris ou même des avancées plus récentes en matière de planification écologique, même si ça fait l'objet de moult débats. Ensuite, ce qui est intéressant, et qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'acteur public, on est concerné, c'est que forcément, cette question de crise écologique, elle réactive ou elle met le doigt sur des sujets qui sont déjà présents dans le débat public et qui nous concernent en tant qu'acteur public. C'est la question de la place de l'État et la place et le rôle de la puissance publique dans nos sociétés. Et donc, effectivement, on est dans un moment où on n'est plus à la grande époque de la planification. Que ce soit ailleurs à l'Est avec des plans quinquennaux ou même la planification à la française à l'époque de la Tatar. La décentralisation est passée par là. Nous vivons une crise politique et démocratique depuis quelques années, dont la dissolution de 2024 a été un moment marquant. Mais je pense que si vous suivez l'actualité politique depuis 2-3 ans, voilà, c'est difficile de dire qu'on ne vit pas dans une société dans laquelle l'abstention progresse, dans laquelle les populismes progressent, dans lequel le parlementarisme rationalisé arrive à ses limites, puisqu'on est d'un pays avec un exécutif très fort. Or, quand il n'y a plus la majorité et qu'on a en plus un fonctionnement de nos assemblées assez moins mature que dans d'autres démocraties parlementaires, forcément, ça affaiblit la capacité à faire de l'État et ça affaiblit aussi la légitimité de nos décideurs, qui souffrent quand même d'un certain discrédit ou d'un manque de popularité. Et donc, on est quand même dans un moment où les décideurs publics et la sphère publique sont quand même un peu affaiblis, un peu contestés, un peu empêchés. Et que la crise écologique, qui nécessiterait, je pense, et comme beaucoup de gens dans cette sphère-là, une action publique volontariste, Mais pas que pour résoudre la transition écologique, hein. Il y a sur plein de sujets. On est un certain nombre à penser que l'action publique est un des leviers de nos sociétés pour répondre à des grands défis. On ne l'invente pas. Mais on est dans un moment où dire oui, moi, décideur politique, ou nous, aux fonctionnaires, ou nous, à la tête d'administration, ou nous, opérateurs publics, à la tête de l'ADEME, du CEREMA ou autre, on va actionner tous nos leviers, tous nos financements, on a des plans, on a des stratégies, suivez-nous, vous allez voir, dans 5 ans, on aura résolu le truc. Ça ne marche plus tout à fait de la même manière dans l'époque et dans le débat public qu'on connaît aujourd'hui. Et donc moi, je pense qu'on est dans un moment où il faut réaffirmer l'importance de la puissance publique pour faire société et pour atteindre des objectifs fixés par les citoyens dans le cadre républicain et démocratique. C'est-à-dire que ce n'est pas les fonctionnaires qui décident des grandes orientations. Par contre, nos sociétés... En fait, il y a quand même un consensus dans notre société, malgré la polarisation du débat public, il y a quand même un consensus, et les travaux de Destin Commun, mais même de la Fondation Jean Jaurès, enfin, toutes les études d'opinion montrent qu'en fait, il y a quand même un consensus sur plein de choses, sur notre modèle social, sur l'importance d'une certaine égalité, d'un certain universalisme, de services publics. Alors après, tout le monde, d'ailleurs, justice sociale ne met pas la même chose. Pour certains, c'est la méritocratie, d'autres, c'est l'égalité, oui, pour d'autres, c'est l'équité. Donc, on donne la même chose à tout le monde, on demande à tous de faire ses preuves, ou au contraire, on accepte de donner plus à ceux qui ont moins. Donc, la justice sociale, elle a différentes interprétations, mais le fait qu'il faille mettre de la justice sociale, qu'il faille redistribuer les richesses, et qu'il faille, notamment en matière de fiscalité, faire reposer un certain nombre d'investissements sur la capacité contributive de chacun, ça ce ne sont pas des choses contestées. Et par contre, ce qui compte, c'est le débat sur les formes. À quel point notre action publique, elle est décentralisée, à quel point elle est fédérale au niveau européen, à quel point on s'appuie sur l'Europe ou pas pour conduire cette action, à quel point elle est libérale, imbriquée avec les actions des acteurs publics, les entreprises, à quel point elle est technocratique dans les mains d'ingénieurs, d'experts, à quel point elle s'en remet à des solutions technologiques, à quel point elle est participative et tournée vers les citoyens. Après, il y a plein de façons de mettre en débat la façon dont on déploie la puissance publique, mais moi, je pense que, et c'est pour ça que je suis acteur public et fonctionnaire comme un certain nombre de personnes dans cette salle, c'est que la puissance publique est un levier important pour répondre à l'ensemble de ces enjeux. Et du coup, quelle place pour ces agents face à ce grand défi, et une fois qu'on a estimé que les agents ne peuvent pas s'en désintéresser. J'ai fait l'effort avec différents collectifs, oui, j'ai pas présenté l'hier, mais j'y viendrai, avec quelques organisations syndicales et collectifs, comme nos services publics que vous connaissez peut-être, qui s'est formé un peu après nous, ou comme des think tanks, et des syndicats comme la CFDT, la CGT ou FSU. On a fait le choix ces dernières semaines d'essayer de mettre des mots, parce que un certain nombre de nominations politiques et administratives ont fait l'objet des débats ces derniers temps, que ce soit à la Cour des comptes, et je ne pense pas qu'à sa présidente, je pense qu'il y a des nominations de gens à la Cour des comptes qui ont fait des grands débats, parce que des gens qui avaient des parcours politiques, citoyens, des anciens ministres qui sont nommés à la Cour des comptes, et là je ne parle pas de la présidente, mais il y a eu aussi des débats. Il y a aussi des nominations administratives, comme à l'OSB, qui ont fait débat, des gens qui avaient des parcours, qui avaient été des adjoints à la ville de Paris, qui ont des engagements connus. Et que tout ça, ça nécessitait aussi peut-être, dans un moment où la puissance publique est attaquée et où la place des fonctionnaires est interrogée, on a publié le 16 mars dernier dans le Monde une tribune qui explique quelle vision nous avons au LIER, à notre service public, à la CFDT, à la CGT, à FSU, dans le réseau Une fonction publique pour la transition écologique ou dans le collectif MAMA. Quelle vision on a d'une fonction publique dans laquelle les fonctionnaires ne sont pas les rouages impersonnels d'une froide bureaucratie. On n'est pas que des exécutants au service de décideurs politiques. On est aussi des coproducteurs et des coacteurs. On co-construit l'action publique. Nous avons aussi des droits de citoyens qui ne disparaissent pas dès lors qu'on est fonction publique. Donc les citoyens ont une liberté d'expression, une liberté d'opinion. Et que on a évidemment un devoir d'obéissance hiérarchique qui est cadré, mais on a d'abord un devoir d'instruction. On doit instruire les décisions avant d'obéir. Et donc on a un devoir d'éclairer les décideurs sur les impacts, sur les fondements de nos décisions. Et on a une légitimité, un droit à participer au débat public dans le respect d'un certain nombre de règles éthiques et déontologiques qui sont assez claires et établies dans notre pays. Donc en fait, le cadre d'action et d'expression des fonctionnaires, il est assez clair. Et je pense qu'il est assez pertinent. Mais du coup, il n'empêche pas des fonctionnaires, comme on le fait ce matin, comme d'autres le font dans des différents espaces, de s'engager, de porter une parole citoyenne, une parole avec une dimension, avec une vision politique, parce que y a pas de délit d'opinion et que les fonctionnaires ont le droit de penser et de parler. Ils ont même le droit de s'engager à côté de leur boulot. Tant que dans l'exercice de leur mission, ils respectent ces règles éthiques, déontologiques, de neutralité, d'impartialité. Mais c'est aussi à un moment donné, et peut-être à un an d'une élection, qui peut aussi bousculer nos administrations et notre État et notre République. Il faut aussi ne pas être complètement naïf, croire que l'action publique d'un haut fonctionnaire ou d'un cadre ou d'un chef de service sera la même, alors même qu'il peut avoir des engagements et des valeurs radicalement différents. C'est un peu se mentir. En vérité, quand on est un travailleur du public ou du privé, on arrive aussi avec des visions du monde, une expérience, des valeurs, et que on peut pas. Je trouve que c'est se mentir de croire que la façon dont on va conseiller, mettre en œuvre, agir ou pas sous les radars, sera complètement la même selon qu'on ait des idées complètement opposées. Non. Et donc la tribune à laquelle je vous renvoie, qui appelle à une fonction publique citoyenne, impariale, un pluriel et impartiale, elle revendique la liberté des fonctionnaires, la transparence de l'action publique, parce que je pense que la transparence, c'est comme la lutte contre les lobbies, c'est important, quels que soient les décideurs. Rendre le plus transparent possible la façon dont les arbitrages se prennent et sont déclinés, on pense que c'est un principe important dans une démocratie. Et on pense aussi que la vision de l'intérêt général qui est portée par les fonctionnaires, elle s'appuie quand même sur un corpus de valeurs républicaines auxquelles on est attaché, et défendre l'égalité des droits, défendre la solidarité, défendre l'état de droit, ben en fait, c'est quand même assez normal au regard de ce qu'est la République française. Voilà. Et donc, peut-être que dans un an ou 2 ans, ça pourrait valoir des problèmes à ceux qui diront ça, mais nous, on pense que ça sera un problème, ça pose problème. Donc, voilà un petit peu sur la vision un tout petit peu quand même engagée que je voulais exprimer en tant qu'acteur du LIR, c'est que la place des agents, elle n'est pas juste un devoir d'obéissance bête et automatique, désolé pour l'expression et les mots simples. Qu'est-ce que ça implique en matière de transition écologique? Et du coup, comment on s'empare de ce sujet-là une fois qu'il est incontournable et que on considère qu'on a des petites marges de manœuvre? Et donc la réponse que moi j'essaye d'apporter avec un certain nombre de collègues, c'est notamment le fait de se réunir et de ne pas être isolé pour traiter du sujet. Merci d'organiser ces rencontres, c'est aussi une autre façon d'aborder ces sujets autrement que seul dans son bureau ou dans le métro en lisant des articles sur l'état du monde qui se dégrade, l'état de notre société, de se dire qu'est-ce que je fais moi dans tout ça? Et ce sentiment d'impuissance, de déprime, d'éco-anxiété qui peut rattraper les uns et les autres. C'est par l'action, la rencontre du collectif, des coopérations qu'on peut garder la pêche. Je pensais pas citer Alain Juppé ce matin. Garder la pêche et garder le moral et trouver des stratégies d'action, qu'elles soient très officielles ou qu'elles soient sous les radars. Et donc la réponse que moi modestement j'essaie d'apporter avec d'autres, c'est créer un réseau qui permette de mettre en lien des gens. Donc le réseau du LIER, c'est tout simplement 2000, au départ 30 personnes, aujourd'hui 2500, qui correspondent aux deux caractéristiques que j'ai décrites, praticien d'action publique, attaché à l'importance de la transition écologique et solidaire et démocratique. Tout simplement de faire réseau, de se réunir pour se former, pour monter en compétences, notamment sur des sujets qui ont été le cœur de ton travail, les sols, j'y reviendrai, et puis qui décident aussi de contribuer au débat public en cohérence avec ce que j'ai dit il y a 4 minutes. Et donc le réseau du LIER, tout simplement, il propose aux acteurs publics de saisir de ces sujets et d'utiliser tous les interstices à leur disposition. Donc ça implique que, par exemple, avec FP21, et pour un réveil écologique, on publie il y a 3-4 ans, avec des jeunes managers de notre génération, ou même un peu plus jeunes, des trentenaires qui arrivent et qui ont envie de montrer comment on peut impulser des dynamiques positives, managériales, en faveur de la transition écologique dans des équipes administratives. Donc on a rédigé un petit guide, et puis on a fait ensuite au LIER un autre guide RH, un guide assez copieux de 97 pages, qui était relayé par la DGAFP, et qui montre comment, à la tête d'une direction des ressources humaines ou d'un service RH, on dispose de plein de leviers en matière d'évaluation des agents, de fiches de poste, de formation, de rémunération, d'organisation du travail, d'exemplarité du fonctionnement de l'administration, comment on a réalisé un guide RH de la transition écologique pour montrer que... Et en fait, on fait ça dans plein de domaines, sur les questions budgétaires aussi, quel rôle, quelle marge de manœuvre dispose Bercy. On arrive sur des sujets un peu politiques. Ou en vue des municipales, moi j'ai beaucoup travaillé sur un projet qui s'appelle Solutions Transition et qui visait tout simplement à outiller. On a demandé à tous nos membres et à plein de partenaires de se dire, ben voilà, quels sont les outils de compréhension du monde et d'action, des leviers concrets qu'on peut mettre à disposition des acteurs locaux, des fonctionnaires territoriaux et des élus. Vous avez compris que le LIR n'est pas un réseau d'élus. Il se trouve que parfois des fonctionnaires sont élus locaux et que c'est leur vie, mais en tout cas, le réseau du LIR n'est pas un réseau d'élus. Par contre, on ne s'interdit pas que tous les outils qu'on a conçus soient dans les mains de citoyens engagés, d'élus, mais on les a aussi conçus pour des fonctionnaires. Et donc, sur le site solutiontransition.fr, on a, depuis un an, produit une cinquantaine, soixantaine de contenus autour d'un principe simple. On essaie de réunir le meilleur de l'ingénierie territoriale, l'ingénierie publique, de l'ADEME, du CEREMA, des collectivités intéressantes qui sont en avance sur des sujets, que ce soit les sols, l'alimentation, les mobilités. Et on le synthétise. Et on le met à disposition gratuitement sur un site. Et puis on organise des événements, des formations, tout ça gratuitement. Pour que ceux qui veulent, quelles que soient leurs idées politiques, leur rapport au monde, tous ceux qui veulent accélérer ou engager des politiques publiques de transition, et pour qui les livrables officiels de l'ADEME, qui ont été très synthétiques en lutte municipale, ils n'ont pas eu le droit de publier des choses avant les élections. Et parfois, les productions administratives et officielles sont un peu tronquées ou bon, elles ont des défauts ou elles sont écrites avec plein de niveaux de relecture qui font qu'elles sont on n'a pas toujours la fraîcheur, l'authenticité du vrai retour d'expérience d'un DIRCAP, d'un DGS, d'un directeur aménagement qui a fait un truc vraiment innovant et qui en parle avec ses tripes, avec ses mots. Et donc nous, on essaie d'avoir une matière qui est un peu moins techno et un peu plus accessible. Et donc voilà notamment ce qu'on a fait. Et puis globalement, ce qu'on a essayé de faire au LIER, c'est d'être en soutien des acteurs qui font la transition, qu'ils soient au ministère de la Transition écologique, dans les services du Premier ministre, dans les collectivités, dans des opérateurs de l'État, en tout cas. Et on essaye aussi globalement de favoriser les coopérations. Et quand je dis favoriser les coopérations entre acteurs, ça veut dire plein de choses. On favorise les coopérations interfonctions publiques. Voilà pourquoi notre réseau, il réunit des gens de toutes les fonctions publiques et pas que des fonctionnaires, aussi des chercheurs, des consultants, etc. Entre des territoires, voilà pourquoi on a favorisé plein d'échanges de pratiques entre collectivités et en vue des municipales. Interacteurs, la semaine prochaine à Lyon, j'organise à l'Université de Lyon 2 une journée sur comment les fonctionnaires, comment le lien entre la recherche et l'action publique peut se nourrir. Et ça, c'est un sujet que certains ici connaissent bien. Et comment on favorise des ponts, des croisements, du dialogue entre recherche, enseignement et action publique. Et puis, on essaie aussi au LIR de favoriser une vision systémique qui est assise autour des valeurs que vous dessinez, que j'ai déjà commencé à dessiner. Une vision systémique de la transition, car la transition écologique, forcément, elle pose des questions écologiques, environnementales, des questions démocratiques, des questions sociales, des questions économiques de l'emploi. Et que tout ça implique aussi de sortir autant que possible de silos, que ce soit des silos administratifs, des silos de pensée, des silos de formation, des silos d'outils. Favoriser du croisement, du dialogue, des rencontres, en fait, c'est toujours assez bon. Pour certains, c'est une perte de temps, et parfois, on met du temps avant que ça produise quelque chose. Mais en tout cas, nous, comme on fait tout ça bénévolement, avec l'appui de quelques salariés, mais que globalement, on voit l'intérêt de tout ça. Et puis aussi, dans un réseau comme le LIR, ça permet aussi à ceux qui traversent des moments durs, de résister à des moments difficiles en trouvant des gens qui ont la remontée morale, qui ont connu aussi des moments creux de leur carrière, ou peut-être même carrément publier un petit guide sur comment résister à la mise au placard, parce qu'en fait, ça arrive aussi. Et une DGA brillante, fin de carrière d'une métropole, m'a expliqué comment elle a dû résister depuis 3 ans à des tentations de mise en placard. Elle a fait une note de 4 pages lumineuse. Et je me dis que ce sont ce genre de documents hyper intéressants pour aider à des gens à résister, à ne pas faire d'erreur, et à rester dans un fonctionnement professionnel, éthique, déontologique, et à ne pas perdre pied dans des moments où, parfois, pour des mauvaises raisons, on veut les pousser à l'erreur et les mettre au placard, notamment parce qu'ils défendent une certaine vision d'intérêt général. Voilà les éléments de réponse ou de proposition que je pouvais formuler sur quelle place Et du coup, je terminerai sur du coup, 3 rebonds, 3-4 rebonds à tes rapports d'étonnement. Ton premier étonnement était sur qui sont les agents qui bossent au sujet des sols. Ta réponse était qu'ils étaient dispersés. Et donc, ça montre que le sujet il est multiface, ce que tu as démontré dans ton exposé. Et donc, oui, je trouve que ton travail il illustre très bien le caractère systémique des enjeux écologiques et environnementaux. L'écologie est au croisement de quasiment presque toutes les politiques publiques. Et donc, ça ne veut pas dire qu'elle est supra, c'est juste qu'elle est partout, elle irrigue. Et ce n'est pas la seule. Mais en tout cas, ton premier rapport d'étonnement illustre ça. Deuxième mot sur l'importance des sols. Je suis comme sans doute un certain nombre d'autres personnes d'entre vous, je pense que Elisa fait partie des exceptions, on est assez peu formé à la question des sols. Donc un réseau comme l'IR, tout bêtement, et donc, on s'est emparé du sujet, et ceux qui, comme moi, n'y connaissaient pas grand-chose, nous on s'est emparé du sujet avec Marc-André Sellos, et on a organisé le 10 janvier 2024 une journée à l'Académie du Climat, une journée qui s'appelait Remettre les pieds sur Terre. Découvrir le vivant, comme une, j'ai oublié la suite du titre, mais. Du coup, il y a une petite. Il y a une conférence brillante de Marc-André Sellos, du Muséum d'histoire naturelle, et une petite synthèse je suis allé vérifier, une synthèse d'une page. Donc, voilà. Mais ceux qui veulent s'intéresser au sujet des sols, vous pouvez retrouver sur le site du LIER, en tapant Remettre les pieds sur terre, Marc-André Sellos, le compte-rendu de cette journée thématique. Et c'est juste un exemple tout concret. On est engagé sur ce sujet-là, mais parfois on manque de billes. Et ben nous, gratuitement, on met à disposition une journée avec des experts pour s'emparer du sujet. Et n'hésitez pas à le faire parce que sous-estimer l'importance des sols, ça fait partie des nombreuses erreurs que nos administrations ont tendance à faire. Ensuite, tu as évoqué dans l'agentivité, la montée en compétence des agents et qui sont les spécialistes des sols, tu as pointé le fait qu'il y avait beaucoup de gens qui venaient du privé. Et donc, avec Johan, je faisais la réflexion que c'est plutôt bon signe quand la puissance publique peut attirer les gens. Je pense que les gens ont fait ce choix-là parce qu'ils s'y retrouvaient en termes de sens. Et pour ceux qui sont plus jeunes et qui s'interrogent sur le sens de leur engagement, de leur carrière, de leur vie professionnelle, l'intérêt pour la chose publique est souvent quelque chose qui est titillé, notamment à Sciences Po. Et donc vous avez raison. Et c'est assez dingue comment à 30, 40 ans, on côtoie des professionnels qui se posent ces questions. Donc en fait, si vous ne la résolvez pas maintenant, les plus jeunes, elle va vous rattraper dans 15 ans. Et moi, je suis. Mais c'est normal parce que je travaille à la ville de Lyon en tant que directeur de transition écologique. Donc forcément, tous les gens qui se posent des questions sur c'est quoi le sens de mon boulot? Oh, j'aimerais bien bosser pour la transition écologique. Oh, est-ce que tu as un job pour moi? J'en ai un ou deux par semaine à Lyon. Mais ça montre quand même qu'une part importante de la société s'interroge sur le sens de leur job, le sens de leur engagement professionnel. Et que la transition écologique apparaît quand même assez souvent comme un débouché. Et donc, je trouve. Pour revenir à ce que tu dis, que ces allers-retours publics-privés, donc ils sont encadrés déontologiques, mais dans le sens que tu décris, ce ne sont pas des gens qui viennent du privé, qui viennent défendre, dans l'inverse du pantouflard, les intérêts de leur ancienne boîte dans le privé, non, ils viennent dans le public, ils viennent mettre leurs compétences au service d'un sujet dans une administration, souvent en perdant en rémunération. Et ça, je trouve ça bon signe, il faut le dire. Quand la puissance publique est capable d'accueillir des expertises et favoriser des mobilités et des allers-retours qui sont utiles, c'est quand même assez intéressant parce que ça nourrit les compétences de l'administration. Et je trouve que ça dit quelque chose aussi de la façon dont nos administrations doivent aussi permettre des parcours. Et le statut de fonctionnaire n'est pas quand même pas le cadre d'emploi qui favorise le plus. On a quand même des dispos, on a quand même des possibilités d'aller voir ailleurs. Moi, je l'ai fait un petit peu. Mais moi, je trouve que ces allers-retours dans nos vies professionnelles de plus en plus longues, je trouve que ces allers-retours publics-privés sont plutôt source de richesse dès lors qu'ils sont encadrés de façon déontologique. Voilà. Et puis, sur ton dernier point, il me restera 3 minutes. Sur l'engagement des fonctionnaires, est-ce qu'ils jouent un rôle actif? Est-ce qu'ils sont engagés? Tu as dit que c'est varié, qu'être spécialiste ne veut pas dire être nécessairement engagé. Je me retrouve assez bien dans ce que tu dis, parce que le réseau du LIER, qui pour que 6 ans après son existence, alors on ne fait pas des campagnes de recrutement très actives. Hein, on favorise la co Je vous ai dit qu'on favorise la coopération et favorise aussi la cooptation. On ne cherche pas à être des milliers, on veut un espace safe, un espace où les gens peuvent échanger en confiance, quand on se réunit, quand on reçoit des hauts fonctionnaires qui nous parlent en confiance et qui ne veulent pas forcément s'exposer, il faut que l'espace soit safe. En tout cas, nous, on voit bien que tous les spécialistes sur les questions environnementales ne sont pas engagés, sinon on serait plus nombreux. Et que nous, on voit bien qu'on est plutôt minoritaire. Et d'ailleurs, on se définit, pas activement, mais en tout cas, un truc qui revient souvent, c'est le concept de Serge Moscovici, la question des minorités actives que vous connaissez tous. C'est que nos sociétés bougent quand même beaucoup aussi sous l'influence de minorités actives. Et donc, ceux qui bougent aujourd'hui ces questions-là, sont, je pense qu'elles correspondent à ce que Serge Moscovici appelait des minorités actives. Et que je pense que cette minorité active pro-transition dans la sphère publique comme dans le reste de la société, elle a quand même une certaine puissance, une certaine influence. Et nous, on essaye de la structurer, de l'accompagner, de la renforcer. Elle a des capacités d'action, des capacités d'initiative indéniables, des capacités un peu d'influence, des capacités de résistance. Si vous m'interrogez, je pourrais vous donner des exemples, mais je n'ai pas vocation à donner trop d'exemples. Mais en tout cas, on fait plein de choses sous les radars. J'en ai donné quelques exemples. Et les modalités que tu as décrites, Elisa, dans ton quatrième point, le fait d'aller rechercher les financements, ou travailler avec des chercheurs, aller chercher à l'Europe, ou s'asseoir sur des fondements scientifiques pour appuyer des décisions. Enfin, tu as montré un certain nombre de modalités qui permettent d'agir. En tout cas, les acteurs publics peuvent quand même contribuer à poser le cadrage des questions environnementales dans la sphère publique. Et que donc, je pense qu'il est utile d'y contribuer. Car il y a plusieurs visions d'être agent public. Et être agent public, c'est à la fois être un Français comme, ou un citoyen comme tout le monde. On a un boulot et on n'a pas tellement plus d'obligations que les autres. Ça, c'est une vision que je respecte. Mais je préfère, c'est parce que c'est plus poétique, je préfère la vision qui considère que les agents publics, c'est pas tout à fait un métier comme les autres, parce qu'on est au service d'intérêt général, parce qu'on est au service d'autres pays, de missions d'intérêt général, qu'on est souvent en contact directement ou indirectement, nos concitoyens, qu'on contribue à des services publics et à des missions d'intérêt général, désolé pour la répétition, mais en tout cas, et que donc, la façon dont on peut peser sur le cadrage et l'évolution n'est pas tout à fait neutre, et donc voilà pourquoi je trouve que ce sujet bien introduit par ton propos, il est assez important, notamment dans les moments un peu difficiles qu'on traverse. Donc voilà un peu les éléments de débat que j'avais envie de partager avec vous ce matin.